Aller, le verbe aller en espagnol, c'est ir. Tout simplement, I-R. Ir. D'ailleurs, c'est une racine que l'on retrouve en français au futur du verbe aller. J'irai, tu iras, il ira. Et au conditionnel, tu irais, il irait. Tout comme le verbe aller en français, ir est très irrégulier. Mais on a déjà vu un certain nombre de ses formes. On a déjà vu voy, je vais, et va. Vous allez, il va, elle va, ça va. Voy et va, dans lesquels on retrouve le V de va et de va en français. Donc, le verbe à l'infinitif a une toute autre forme. C'est ir. Ir, c'est le verbe aller. Et donc, de la même manière qu'on avait boya et ba, on a ira. Aller, s'apprêter à, aller faire quelque chose. Ir a. Si vous voulez dire je veux aller le voir avec vous, je vous avais dit que quand on a un verbe de mouvement suivi d'un autre verbe, en espagnol, il faut mettre a entre les deux verbes. Donc, aller, c'est ir. Et aller voir, c'est ir a ver. Hein? On prononce ir a ver, bien que à l'écrit, c'est séparément. Hein? Ir a ver. Alors, comment direz-vous je veux aller le voir avec vous? Quiero. Quiero. Je veux aller le voir. Ira. Ira. Oui. Le voir. Ver. Verlo. D'accord. Hein? Quiero ir a verlo. Quiero ir a verlo. Avec vous. Con usted. Bien. Quiero ir a verlo con usted. Comment direz-vous « je dois aller le voir »?« Je dois » c'est « j'ai à »,« il faut que je » Ah oui, « tengo que ».« Tengo que », oui. « Tengo que », je dois aller. « Tengo que ir ».« Tengo que ir », je dois aller. « Aller le voir ».« Ir a verlo ». D'accord, hein, c'est ça. « Tengo que ir a verlo ». Je dois aller le voir. Tengo que ir a verlo. Je dois parler avec vous. Tengo que... Tengo que parler... Hablar. Hablar. Essayez encore une fois. Hablar. Hablar. Hablar. La plupart des verbes en espagnol finissent en AR. Hein? Hablar. Hablar, avec vous. Con usted. Con usted, hein? D'accord. Tengo que hablar con usted. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous voir aujourd'hui parce que je vais être très occupé. Lo siento. Lo siento, mais... Pero. Je ne peux pas vous voir. No... Puedo vous voir. Berle. Berle. D'accord. Hein? Berle. Aujourd'hui. Hoy. Hoy. Hein? Parce que je vais être très occupé. Donc là, c'est vous, Catherine, une femme, qui parlez. Porque voy a estar. Très occupé. Muy. Ocupada? Oui, c'est ça. Hein? Muy ocupada. Ou, dans votre cas, Olivier, vous direz? Muy ocupado. Exactement. Hein? No puedo verle porque voy a estar muy ocupado ou bien muy ocupada si vous êtes une femme.